Ah, si mon chien était un dinosaure, la face du monde changerait de décor. Dressé selon mon éthique et ma loi, je ferais régner l'amour et la joie. Une papate sur les politiques, une papate sur les fanatiques, une papate sur les mauvais médias. De la dernière, écrase la mafia. Fais juste un petit plongeon dans la mer pour engloutir tous les bateaux de guerre. Et secoue-toi en semant la tempête pour balayer tous ceux qui nous embêtent. Ah, si mon chien était un dinosaure, et même juste un peu dragon sur les bords, dressé selon mon éthique et ma loi, je ferais régner l'amour et la joie. Une papate sur les armes chimiques, le nucléaire et les bombes atomiques. Une papate sur tous les pollueurs qui assassinent la paix et le bonheur. Lève la patte, arrose les impôts, crache du feu sur tous les aristos, les vaniteux, les fans, les profiteurs qui ont une pierre à la place du cœur. Ah, si mon chien était un dinosaure, la face du monde changerait de décor. Dressé selon mon éthique et ma loi, je ferais régner l'amour et la joie. Une papate sur les égoïstes, une papate sur les terroristes. Et s'il reste encore quelques emmerdeurs, pose sur eux ton joli postérieur. Sur les crétins et sur les belliqueux, sors ton venin et chasse-les de la queue. Lance des flammes et fais trembler la terre. C'est face au drame que l'on est solidaire. Ah, si mon chien était un dinosaure, la face du monde changerait de décor. Dressé selon mon éthique et ma loi, je ferais régner l'amour et la joie. Une papate sur les intégristes, les assassins, les sectes, les racistes. Mange tout cru, tous les magouilleurs, qu'ils soient d'ici ou qu'ils viennent d'ailleurs. Souffle très fort, efface les frontières. Fais de ton corps un pont sur la misère, pour que les sans-abri, les miséreux, puissent passer du côté des gens heureux. Ah, si mon chien était un dinosaure, mais ce n'est qu'un labrador que j'adore, qui me pardonne mes rêves un peu fous, mon meilleur ami, mon brave toutou. Plus près de Dieu, sur sa tête perchée, je regarderai les humains s'agiter, en espérant sincèrement un jour les voir danser une ronde d'amour. Ah, si mon chien était un dinosaure.